Salut les princes et les princesses! Oui, c'est de nouveau la chaîne YouTube Narrative Land qui va nous parler. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau jeu de rôle qui vient de sortir et qui est vraiment novateur, immersif, narratif, tout ce qu'on veut. Voilà, il s'agit de cette banane. Voilà, bah, je tiens à dire que cette banane est un jeu de rôle. Ah voilà, du moment que je le dis, eh ben c'en est un, c'est tout quoi. Qu'est-ce que tu vas faire de toute façon? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc voilà, cette banane propose vraiment une expérience immersive absolument dingue. Et d'ailleurs, je vais playtester pour vous tout de suite. Hop. C'est parfait. Salut à toi, personne non binaire, monsieur, madame. Et oui, tu m'as reconnu, c'est de nouveau moi. J'ai désormais un chroniqueur en la personne de monsieur Cochon. Et voilà, qui m'accompagnera désormais. Tu vois, c'est un peu mon Cotentin à moi. Et donc, là, on va faire une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler des MJ sadiques. Ouais, je me mets un peu plus au confort. Waouh. Hop. Alors, c'est quoi les MJ sadiques dont on nous parle tout le temps sans jamais vraiment les voir? Ah. Hop. C'était pas le bon cahier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un MJ sadique? En fait, c'est un ou une MJ qui fait jouer des scénarios ou des jeux qui sont vraiment punitifs et qui ont l'air de prendre place, vraiment plaisir à la souffrance, des joueurs et des joueuses. Ouais, c'est vraiment, des personnes très vilaines, les MJ sadiques, je tiens à le préciser quand même, hein. Ou qui sont vilains, oh, qui sont vilains! Bon, du coup, cette notion de MJ sadique, si tu veux, je regarde la couronne, va bien quand même, hein, ouais, franchement. Cette notion de MJ sadique, elle va de pair, si tu veux, avec la notion d'adversité, comme je vais t'en parler vite fait. L'adversité, en fait, c'est donc ce qui va s'opposer à la volonté des personnages, les différents ennuis et péripéties qui vont leur tomber sur le coin de la figure. Et toutes les choses qui semblent représenter une certaine difficulté à surmonter, et bien sûr tout ce qui va mettre en danger la santé physique, mentale des personnages, ou les proches, ou les intérêts des personnages, quoi. Voilà, tout ça c'est l'adversité. Le problème, si tu veux, on a un problème un peu structurel en jeu de rôle, c'est que l'adversité, elle est factice. C'est-à-dire qu'après tout, bah, MJ, il peut à loisir faire gagner ou perdre l'équipe. Parce que si tu veux, bah, j'ai qu'à mettre 4 dragons dans la pièce suivante et je suis sûr que tu vas perdre. Tandis que si je mets le trésor dans la pièce suivante, bah, je suis sûr que tu vas gagner, quoi. Donc au mieux, en fait, on pourrait être un ou une MJ arbitre, mais ça reste ce qu'on appelle de la tactique molle, quoi. C'est-à-dire, ouais, je peux te récompenser pour tes bonnes idées, te punir pour tes mauvaises. Voilà, c'est la tactique molle, ça s'appuie pas sur du concret, quoi. Hein. C'est vraiment le. Juste un jugement humain qui va déterminer quoi si les PJ sont dignes ou pas de triompher de l'adversité, à moins de procéder à des gameplays très plateaux, hein. Typiquement certains scénarios extrêmement écrits dans Sombre, hein. Ou au contraire à des gameplays très vraiment basés sur le hasard, quoi, où du coup c'est plus tellement l'arbitraire du MJ qui décide, mais bon, c'est l'arbitraire du hasard, je sais pas si c'est beaucoup mieux, quoi. Donc, en fait, faut bien se dire que l'adversité, elle est factice en jeu de rôle. Donc, au mieux, on va plutôt rechercher le sentiment d'adversité, quoi. On va avoir l'impression qu'il y a une adversité qui est présente. Et là, clairement, ce sont les MJ sadiques qui vont le fournir le plus, ce sentiment d'adversité. Et avoir un sentiment d'adversité fort, c'est OK. Dans le cadre de certains types de jeux, les jeux, bah, évidemment d'horreur, les jeux survivalistes, les jeux où tu vas avoir des dilemmes moraux, donc là il faut qu'il y ait une adversité forte aussi, tout ce qui est drama, bon bah voilà, faut pas que MJ hésite à dire que ton personnage Il a attrapé le cancer et le sida en même temps, tu vois, et qu'il va devoir faire des choix ou qu'il va devoir souffrir. Certains jeux, voilà, hyper tactiques, genre un run de Shadowrun qui est censé être super dur et tout, c'est aussi présent, évidemment, c'est aussi recherché dans le cadre des jeux old school. Et puis des jeux absurdes, des trucs à la paranoïa, ou je sais pas, si on voulait faire un jeu un peu kafkaïen. On va rechercher ce sentiment d'adversité, quoi. Et il va être vecteur d'immersion. Ce sentiment d'adversité, il porte aussi un message qui est assez présent, par exemple, dans le old school Renaissance, qui est, bah, en fait, si tu veux, le monde, il est injuste, quoi. Il est dur, quoi. Et les personnages, ils peuvent tomber sur des saloperies qui sont bien, bien trop puissantes pour eux, quoi. Au hasard d'une pièce ou d'un donjon, quoi. Donc, pour tout ça, si tu veux, les MJ sadiques vont réellement être recherchés, je pense. Et donc, en fait, c'est OK, je dirais, d'être un ou une MJ sadique si tu entretiens, voilà, ce sentiment d'adversité pour l'amusement, pour l'immersion de la table et bien sûr avec son consentement. Et même dans ce cas de figure-là, si tu veux, la jubilation du MJ sadique qui se nourrit de tes larmes. Eh bien, ça fait alors partie en fait d'un jeu d'acteur méta, quoi. C'est-à-dire que, en vrai, MJ fait semblant de jubiler, d'être machiavélique, maléfique, et ça entretient l'ambiance et même le sentiment d'adversité. Et puis, quelque part, des fois, ça peut même en fait désamorcer le caractère absurde de la partie, quoi, quand tu vois le MJ là, moi, tu vois, finalement, ça permet de décompresser, quoi. Et puis, ça donne presque un côté fun, tu vois, par exemple, quand on fait des donjons hachoirs à PJ, le côté absurde du truc est révélé, quoi. Alors, j'ai une note, mais dans le sens, je suis désolé, je suis obligé de faire ça pour lire ma note. Hey, c'est bien, ça fait le format TikTok, là. On peut aussi jouer des jeux si tu veux ou des scénarios sadiques, mais être un MJ qui a une attitude en méta qui est bienveillante, qui accompagne les PJ dans leur galère, quoi. Enfin, ça, c'est rigolo ce contraste-là, avoir un scénario impitoyable et un MJ qui est plutôt compatissant, compatissante, quoi. Donc voilà, c'est OK d'être sadique. Parce que de toute façon, les joueuses maso, ça existe, donc ils sont faits pour se rencontrer, quoi. Mais par contre, c'est pas OK d'être ce type de MJ si tu vérifies jamais le consentement de ta table, et si tu imposes cette façon de jouer, quoi. Il y a aussi des attitudes où, bah voilà, où, en fait, voilà, quelque part, MJ sadique, c'est OK, c'est une performance, mais c'est vraiment. Si t'es vraiment un gros sadique de façon gratuite et voilà, sans vérifier si les autres sont d'accord, ça va pas, quoi. Si, par exemple, il y a des MJ qui considèrent leur PJ comme des adversaires, quoi. Moi, j'avais entendu des anecdotes, par exemple, un MJ qui était vraiment avait une réputation d'avoir des scénarios vraiment très très durs, quoi. Et donc, il y a un groupe de PJ qui décide, voilà, ils vont survivre à ce scénario, quoi. Ils vont réfléchir. Ils vont faire ce qu'ils peuvent et tout. Donc, ça, c'est dans un sous-marin très, très dur, quoi. Et puis, à la fin, quand même, les PJ, ils arrivent à survivre, à faire la mission. Ils en ont chié et tout. Ils ont réussi, quoi. Et tu vois, au cours du scénario, le MJ se décompose. Il est vraiment dégoûté que les PJ aient de la chance au dé, qu'ils aient les bonnes idées, tout ça, qu'ils gèrent le truc, quoi. Et donc, la mission est terminée. Le scénario est terminé. Les PJ disent, bon, bah, maintenant, on remonte. On prend nos équipements de plongée et on remonte à la surface, quoi. On se barre, quoi. Là, le MJ fait « Ah, mais vous avez pas dit que vous respectiez les palettes de décompression ?» Et il paraît qu'il a mis une heure, si tu veux, à leur décrire leur agonie, chaque bulle de sang qui explose dans le cerveau et tout. Voilà, où c'est MJ, si tu veux, enfin, grelotte, tu sens le MJ qui fait aucune ellipse et la moindre erreur, enfin, le moindre truc, parce que de toute façon, c'est super logique que le PJ l'aurait fait, mais que les joueuses n'ont pas dit. C'est fait pour te piéger, typiquement. Autre anecdote que j'avais entendue qui est assez drôle, quoi, c'est. Les PJ prennent l'autoroute, et puis au bout d'un moment, le MJ leur annonce: Ah, mais vous avez les flics aux fesses et tout, comment ça se fait? On a été discret pourtant et tout. Ah, Vous n'aviez pas dit que vous payiez au péage. J'ai donc considéré que vous avez défoncé la barre que vous avez, ouais, que vous avez défoncé la barre de péage et tout sans payer et tout, et donc les flics vous pourchassent pour ça. Enfin, tu vois le genre de les MJ vraiment. De toute façon, son but c'est de piéger les joueuses, donc le moindre non-dit est prétexte à les niquer quoi. Bon, il y a aussi, si tu veux, ces MJ un peu condescendants qui considèrent en fait les joueuses comme des idiotes qu'il faut instruire dans la douleur, quoi. Donc moi, j'avais un MJ, si tu veux, il se vantait, il disait, je crois que c'est une partie cyberpunk qui fait, bon, bah du coup, les PJ sont en haut d'un immeuble et puis il faut qu'ils aillent en bas et tout. Et donc, il y a une joueuse qui fait, bah je saute, quoi. Bon, on est des cyber, tout ça, bah je saute depuis la terrasse et tout. J'y fais pas de soucis, tu sautes depuis la terrasse, et puis il demande, bah, vous faites quoi les autres? Bah, les autres disent, bah bon, bah du coup, si elle a sauté, on va sauter aussi. Tout le monde saute, et puis après il fait, bon, bah vous avez tous les jambes pétées, quoi. Bah, si tu veux que je te dise, bah voilà, c'est en commentaire, quoi, je te laisse en tirer les conclusions qui s'imposent. Voilà, tous ces MJ sadiques qui considèrent les joueuses comme des poupées pour ces jeux malsains, quoi. Voire même un moyen en fait pour nuire aux joueuses quoi, pour les humilier ou ce que tu veux, les monter les unes contre les autres. Ou le pire évidemment, c'est quand les MJ en fait cherchent juste à assouvir des fantasmes en fait sur les joueurs et les joueuses quoi, que ce soit parce que son scénario c'est une espèce de donjon hentai ou que c'est juste une chambre des tortures ou enfin ou un truc d'emprise psychologique ou ce que tu veux, quoi. Et là, évidemment, bah, ça ne sera jamais OK d'être un MJ sadique. Bon, bah, là-dessus, je t'envoie des bisous sadiques. Et puis, s'il te plaît, si tu aimes souffrir, te faire fouetter, abonne-toi, mets la cloche. Et surtout, bah, mets des commentaires, ça fait vivre la chaîne. Ciao, bisous.